Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce qui va tenir lieu d'une référence commune si la loi n'est qu'un instrument ? Qu'est-ce qui peut être la référence commune pour harmoniser l'action des hommes, définir la place de chacun et juger de leurs actes ? Quelles sont les formes contemporaines de l'harmonisation par le calcul ? Quelle est la place de la New Comparative Analysis dans la doctrine Law and Economics ? Comment la loi la plus avantageuse dans le Law Shopping, le marché de la norme, prend-elle la place du Rule of Law, du règne de la loi ? Nous retrouvons Alain Supiot, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire État social et mondialisation, analyse juridique des solidarités, fondateur en 2008 de l'Institut d'études avancées de Nantes, qui analyse via le droit l'émergence du néolibéralisme, qu'il préfère appeler ultralibéralisme en référence au mouvement réactionnaire ultra, et il analyse la naissance de l'utopie contemporaine d'un marché total sous l'influence de la doctrine Law and Economics. Nous achevons ce matin et demain sa grande série consacrée au passage du gouvernement des lois à la gouvernance par les nombres. Nous voici dans un monde où la loi est soumise au calcul d'utilité et où domine la New Comparative Analysis et le marché du droit. Ce cours a été publié chez Fayard sous le titre « La gouvernance par les nombres » en 2015. Dans la conclusion donc de la version publiée, Alain Supiot résume ces mutations d'imaginaire et d'ordre normatif qui font qu'aujourd'hui, la gouvernance part de la liberté des individus, mais elle ne cherche pas à limiter cette liberté, mais à la programmer. Le juriste explique, et je le cite longuement ce matin, « Depuis les débuts des temps modernes, le vieil idéal grec d'une cité régie par les lois et non par les hommes a pris une forme nouvelle, celui d'un gouvernement conçu sur le modèle de la machine. Ce mouvement avait été engagé par la planification soviétique qui, la première, a réduit la loi à une fonction instrumentale de mise en œuvre d'un calcul d'utilité. » Il s'approfondit avec l'imaginaire cybernétique qui impose une vision réticulaire du monde naturel et humain et tend à effacer la différence entre l'homme, l'animal et la machine, saisis comme autant de systèmes homéostatiques communiquant les uns avec les autres. Nous nous sommes retrouvés ces deux dernières semaines face à des modèles d'hybridation entre le droit et l'économie, entre l'économie communiste de marché et le capitalisme. À ce nouvel imaginaire, écrit encore Alain Supiot dans sa conclusion, correspond le passage du libéralisme économique, qui plaçait le calcul économique sous l'égide de la loi, à l'ultralibéralisme, qui place la loi sous l'égide du calcul économique. Étendu à toutes les activités humaines, le paradigme du marché avec un grand M occupe désormais la place de norme avec un grand N fondamentale à l'échelle du globe. Le capitalisme a ainsi muté en un anarcho-capitalisme qui efface les frontières, soumet les États et démantèle les règles protectrices des trois marchandises fictives identifiées par Karl Polanyi, la nature, le travail et la monnaie. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 18 avril 2013 pour le cours d'Alain Supiot, la New Comparative Analysis et le marché du droit. Et il va nous dire ce qu'est la New Comparative Analysis. Alors j'en viens au troisième pilier de l'analyse économique, la New Comparative Analysis et le marché du droit. Nous abordons ici un Un autre problème rencontré par l'analyse économique est celui de la diversité des systèmes juridiques et institutionnels. Et cette diversité a toujours été la source de questions pour l'économie politique, et elle demeure dans ses prolongements contemporains que sont la théorie économique de la régulation ou l'économie des conventions. Mais pour ces courants de l'économie qui sont dans la tradition de l'économie politique, la vie économique est faite de cette diversité même et ne peut être rapportée à un ordre idéal auquel on pourrait se référer pour évaluer et hiérarchiser ces systèmes. Donc vous avez dans la pensée économique un certain nombre de courants qui ont attaché une grande attention à cette diversité des montages institutionnels et qui ont vu un des facteurs d'explication de la diversité des modes d'être économiques. Je pense par exemple aux travaux de Philippe d'Iribarne sur la logique de l'honneur, il y a énormément de travaux comparatifs de ça. Mais il en va tout autrement, à la fois de l'économie standard et de la doctrine Law and Economics, qui postule au contraire l'existence d'un ordre spontané du marché dont le bon fonctionnement peut être facilité ou au contraire entravé par un système juridique donné. Et nous retrouvons ici la dimension normative de cette doctrine qui est toujours en quête des règles les mieux à même de faciliter l'ajustement mutuel des calculs d'utilité individuelle. L'une des tâches de l'analyse économique du droit serait donc d'évaluer les performances des systèmes juridiques nationaux au regard de cet optimum normatif. Devenue publique et transparente, cette évaluation enclencherait un mécanisme de sélection naturelle des lois les meilleures au regard du critère d'efficience économique. Autrement dit, dans cette perspective, au lieu que la libre concurrence soit fondée sur le droit, c'est le droit qui devrait être lui-même l'objet d'une concurrence. Ce que j'appelle ici du darwinisme normatif, vous allez voir pourquoi je parle de darwinisme normatif dans un instant, avait déjà été théorisé par Hayek, le grand Hayek. Ne croyant pas à l'acteur rationnel en économie, Hayek se fiait à la sélection naturelle des systèmes normatifs par la mise en concurrence des droits et des cultures à l'échelle internationale. Selon lui, les adeptes du darwinisme social ont eu le tort de se focaliser sur la sélection des individus congénitalement les plus aptes. C'est un processus trop lent pour pouvoir être pris en compte, alors qu'il conviendrait de favoriser plutôt, dit-il, la sélection des règles et bonnes pratiques. Je cite le deuxième alinéa. Il est vrai qu'après Darwin... Alors, le premier est intéressant, parce que, vous voyez, il fait le lien avec Bernard Mandeville, dont nous avons cité la fable des abeilles, et il dit quelque chose qui serait scandaleux, je pense, pour un certain nombre de biologistes, c'est que la théorie de Darwin, elle a une origine culturelle, c'est-à-dire elle naît dans une certaine vision sociale du monde, qui est une vision quand même de la lutte de tous contre tous, qui est la vision de Mandeville que nous avons étudiée. Et que donc, culturellement, c'est un homme très intelligent, Hayek, hein, il resitue la biologie de Darwin dans une histoire culturelle plus longue, et il dit, il est vrai qu'après Darwin, les adeptes du darwinisme social, alors ça c'était les nazis, donc c'est pas une recommandation très recommandable, qui avaient besoin de Darwin pour apprendre ce qui était une tradition plus ancienne de leur propre discipline, ont quelque peu discrédité la thèse en la rétrécissant à la sélection des individus congénitalement les plus aptes. Processus que sa lenteur rend comparativement négligeable pour l'évolution culturelle, alors qu'ils méconnaissent l'évolution décisivement importante de la sélection par les règles et pratiques. Fin de citation. Vous avez ici une théorisation de ce que le management privé et public a décliné depuis sous le nom de sélection des bonnes pratiques ou des meilleures pratiques et de benchmarking. Cette sélection consiste à utiliser une pratique obtenant de meilleurs résultats que d'autres comme étalon de mesure, c'est-à-dire comme benchmark de ces dernières, des autres pratiques. Et la bonne pratique est elle-même susceptible d'amélioration, le benchmarking engageant ainsi un processus sans fin d'émulation. C'est sur cette base que les normes ISO 9000 ont été élaborées par l'Organisme international de standardisation. Il s'agit de référentiels de bonnes pratiques sur la base desquels sont certifiés des systèmes de management de la qualité. Ces normes occupent une place centrale dans le contrôle de gestion des grandes entreprises qui emploient un personnel nombreux à se mettre en conformité avec elles, sous le nom de compliance. Leur extension au management de la ressource humaine est aujourd'hui en cours dans le cadre d'un projet, au demeurant très controversé par certains, qui est le projet de norme ISO 26000 sur la responsabilité sociale des entreprises. Alors, l'idée de soumettre la gestion des êtres humains dans les entreprises à des normes de qualité standardisées à l'échelon mondial a suscité la critique de certaines organisations d'employeurs. Ça a été le cas de la DBA allemande, mais ça a été aussi le cas de l'Organisation internationale des employeurs à l'OIT, qui ont fait valoir notamment qu'en dépit des déclarations de leurs auteurs, ces normes empiéteraient sur les responsabilités de l'OIT, qu'elles restreindraient la liberté de gestion des entreprises et qu'elles porteraient atteinte à la diversité des cultures juridiques nationales telles qu'elles s'expriment dans chaque droit du travail. En effet, avec les normes ISO appliquées à la gestion de l'humain, se dessine un nouveau type de normativité dans le domaine social dont les trois caractéristiques seraient les suivantes. La première, l'universalité, puisque ces normes sont applicables à tout pays et à toute branche d'activité. Deuxième caractéristique, le volontariat, puisque leur mise en œuvre repose sur un autocontrôle par les entreprises concernées, l'auto-compliance. Et troisièmement, la privatisation de la norme, dans le double sens d'un englobement du public dans le privé, puisque les normes ISO 26000 incorporent certaines normes OIT au titre des bonnes pratiques, et d'une commercialisation de la norme, puisque ces normes sont des produits marchands, puisque un coup d'œil sur l'ISO Store, mais vous pourrez vous y reporter sur votre ordinateur après ce cours, donc vous avez l'ISO Store, puisque ces normes sont des produits, elles ne sont pas rendues publiques, sauf à les acheter. Et vous voyez les meilleures ventes. Alors ça, ce sont les meilleures ventes, ça change tous les jours, évidemment. C'était au 26 mars 2013, quand j'ai consulté. Relève que les normes ISO 9000 sont aujourd'hui en tête des meilleures ventes de ce type de produit normatif. La logique de cette normalisation était de mettre en œuvre à l'échelle mondiale l'idée d'entraînement par les bonnes pratiques pour un perfectionnement constant de la gestion de la ressource humaine. Alors, pour enrôler les différents systèmes juridiques nationaux dans cette dynamique vertueuse de l'émulation par les bonnes pratiques, il faut se doter d'une méthodologie ad hoc, une méthodologie particulière. Et tel est l'objet d'un autre segment de l'analyse économique du droit qui s'appelle la New Comparative Analysis. Je vais directement vous parler d'une recherche qui a joué un rôle important dans la politique de la Banque mondiale de ces dernières années, qui a été conduite par un groupe de chercheurs issus de Yale, Harvard et de la Banque mondiale, qui ont commencé à élaborer au début des années 2000 des instruments de mesure de la sécurité des investisseurs, de la sécurité juridique des investisseurs, à partir d'un codage et d'un étalonnage des règles de droit des sociétés et des marchés financiers. Faisant un pas supplémentaire, ces mêmes auteurs ont ensuite étendu cette méthode au droit du travail dans un article intitulé « The Regulation of Labor » qui a été publié en 2004 dans le « Quarterly Journal of Economics ». Cet article avait pour objet de concevoir un instrument de mesure de l'efficience économique des législations sociales de 82 pays. Et cet instrument est présenté par ces concepteurs de la façon suivante. Ils ont construit une base de données qui contient différents aspects de ce qui est appelé la régulation, mais là c'est le mot anglais qui, vous savez que l'anglais n'a pas la distinction régulation, réglementation des marchés du travail. Et ces mesures portent sur trois grands domaines, le droit de l'emploi, le droit des relations collectives de travail et le droit de la sécurité sociale. Pour chacun de ces trois domaines, Ces auteurs donc, ont examiné une série de dispositions juridiques régissant les marchés du travail. Alors, dispositions juridiques régissant les marchés du travail, il faut lire droit du travail, évidemment, mais c'est la nouvelle appellation. Nous construisons alors des sous-indices synthétisant les différentes dimensions de cette protection et finalement agrégeons ces sous-indices en indices et nous construisons toutes nos mesures en sorte que les valeurs les plus élevées correspondent à la protection juridique des travailleurs la plus étendue. C'est un moyen de faire ce qu'on appelle un scoring, un étalonnage des différents systèmes juridiques. Le mieux, c'est d'avoir la note la plus basse, évidemment. Les premiers de la classe, c'est ceux qui ont le système le moins contraignant. Concernant le droit du travail, ces sous-indices portaient sur le coût du recours à des contrats de travail atypiques, le coût du recours aux heures supplémentaires, le coût des indemnités et des procédures de licenciement. Et des conventions d'équivalence étaient posées dans ce tableau qui permettent de quantifier de 0, donc la protection sociale la plus basse, à 1, qui est considéré que le niveau de protection sociale le plus élevé, les différentes dispositions légales du droit considéré. Alors, par exemple, une disposition qui limite le recours au contrat à durée déterminée à l'existence d'une tâche à durée indéterminée sera comptée 1, parce qu'on estime que c'est protecteur du salarié s'il y a une limitation des cas de recours du contrat. Si, en revanche, on peut recourir librement au contrat à durée déterminée indépendamment de toute justification, on comptera 0. De même, cost of firing workers, c'est le coût des licenciements. Une législation qui ne prévoirait aucune indemnité, ni de préavis, ni de licenciement, améliorerait son score d'un point, etc., etc. Donc, une fois agrégées, ces données quantitatives ont été regroupées par type de culture juridique et corrélées avec l'orientation politique plus ou moins favorable aux syndicats des gouvernements, aboutissant dans cet article au tableau suivant, où vous voyez sans peine que le haut du tableau est occupé par les systèmes de culture juridique de common law. Et on aboutit à un tableau qui donne ainsi une sorte de score des performances des différentes législations. Ce système, ce mode d'organisation, a été repris à son compte par la Banque mondiale, qui s'est explicitement inspirée de ses travaux pour développer un programme « Doing Business », donc « faire des affaires », qui évalue les droits nationaux à l'aune de leur efficacité économique et financière. La Banque tient ainsi une base de données chiffrées à jour qui fournit des mesures objectives du droit de 183 pays qui sont rebaptisés économie en 2012, 183 en 2012. Et ce travail est illustré par une map monde que vous pourrez trouver sur le site de Doing Business qui représente la Terre comme un espace de compétition entre législations. Et vous remarquerez même que cette map monde est équipée d'un curseur temporel qui permet, c'est le petit curseur qui est sous 2008-2012, qui permet de visualiser la marche du progrès de la rationalité économique. Cette base doit aider les investisseurs à choisir sur la carte du monde les pays les plus accueillants. Et elle doit aussi engager tous les pays à attirer les investisseurs en réformant leurs lois dans le sens souhaité par ces investisseurs. Donc nous avons bien affaire ici à un projet de construction d'un marché des produits législatifs qui doit conduire à l'élimination progressive des systèmes normatifs les moins aptes à satisfaire les attentes financières des investisseurs. Et la compétition que se livrent les entreprises sous l'égide des marchés financiers ne devrait donc pas se cantonner à la sphère économique, mais s'étendre aux États qui sont eux-mêmes en compétition pour la qualité de leurs produits législatifs et devenir ainsi un principe général d'organisation de la sphère juridique. On sortirait ainsi de l'âge des ténèbres de la relativité des lois pour accéder peu à peu au droit universel fondé sur le calcul dont rêvait déjà Condorcet, que j'ai déjà eu l'occasion de citer ici. Alors, en principe, cette quantification est axiologiquement neutre et n'est guidée par aucune préférence pour un type de droit plutôt qu'un autre. Mais toutes ces études aboutissent néanmoins à la même conclusion, celle de la supériorité de la culture de common law sur toutes les autres. Cette hiérarchisation ne doit pas être mise sur le compte d'une sorte de chauvinisme insu, car elle procède logiquement des liens étroits qui existent entre la doctrine law and economics et la culture de common law. Cette dernière se présente d'emblée comme un ordre juridique, spontané, à l'abri du volontarisme des gouvernements et qui n'a besoin pour évoluer que du juge et du libre jeu des droits individuels. Donc l'analyse, je fais une petite parenthèse là puisqu'on arrive presque au terme de l'analyse law and economics, elle se présente à bien des égards comme une variante fondamentaliste de la culture de common law. Alors je rappelle d'un mot que la notion de fundamentalism est d'origine protestante. Elle a d'abord été employée pour désigner une doctrine apparue à la fin du XIXe siècle aux États-Unis, dans les milieux traditionnalistes, doctrine caractérisée par la défense d'une interprétation littérale des Écritures et opposée au libéralisme théologique et à ce qu'on appelait le social gospel. Et cet enfermement de la pensée dans la lettre d'un texte se retrouve dans les variantes contemporaines du fondamentalisme, et par exemple dans ce qu'on appelle aujourd'hui le fondamentalisme islamique. Ce dernier prétend, lui aussi, soumettre le droit des États à une interprétation littérale de la charia et combat la diversité des traditions qui avaient toujours marqué le monde musulman, des coutumes et des écoles. Quand on dit la charia, c'est par rapport à la réalité, à la grande diversité des écoles juridiques, une réduction considérable. Et c'est une lutte qui est engagée contre cette diversité de la tradition juridique musulmane. Donc au-delà de leur grande diversité, évidemment, je ne veux pas dire ici que ça soit la même chose, mais nous pouvons repérer comme juriste, par l'analyse juridique, comme technique d'interprétation, cet enfermement dans la lettre, et c'est ça qu'on appelle fondamentalisme, et le fondamentalisme se donne à voir à l'heure actuelle sous des jours évidemment tout à fait différents. Mais malgré cette différence, ce qu'il y a en commun, c'est de se référer à une norme universelle que les lois humaines devraient relayer et mettre en œuvre et ne jamais contrarier. D'où le tour implacable et inexorable de ce type de doctrine. Alors, le rapport Doing Business a été consacré en 2005 au droit du travail, notamment dans un chapitre intitulé « Hiring and Firing Workers », donc « Embaucher, licencier les salariés ». Ce chapitre est explicitement fondé sur les travaux conduits à Yale et Harvard, dont je viens de vous parler, et il mesure des entraves à l'investissement que représenterait dans chaque pays le droit du travail. Il contient un tableau comparatif de tous les droits du travail du monde construit autour des indicateurs suivants: difficulté de l'allongement ou de la réduction de la durée du travail, difficulté du licenciement économique d'un travailleur, indice de rigidité de l'emploi, coût d'embauche et coût des licenciements. Vous aurez compris ici que le mot « difficulté » ou « rigidité », ces mots désignent des règles et coûts des droits protecteurs des salariés. Donc l'indice de rigidité de l'emploi inflige des points de pénalité, par exemple, dans cette construction, aux États qui reconnaissaient trop de droits aux travailleurs, tels qu'une protection sociale aux salariés à temps partiel. Et en 2005, la banque considérait que des salaires minima étaient jugés trop élevés. Par exemple, 20 dollars par mois étaient jugés trop élevés pour les pays africains, dans le temps même où les programmes de lutte contre la pauvreté de la banque disaient qu'il fallait avoir au moins 2 dollars par jour. Une limitation à moins de 66 heures par semaine de la durée du travail était considérée comme une rigidité, de même que l'existence d'un préavis de licenciement ou des programmes de lutte contre la discrimination raciale ou sexuelle. Je passe sur ce rapport a fait quand même susciter une certaine émotion, s'il se naît dans l'opinion en France, mais du moins dans les organisations syndicales et aussi à l'Organisation internationale du travail. Vous trouverez des articles critiques sur la méthodologie, notamment dans la revue internationale du travail. Et depuis, la banque a mis un peu d'eau dans son vin et vous ne trouverez plus ces tableaux sur son site actuellement. Je les avais saisis à l'époque. Alors, toute cette entreprise de quantification démontrerait donc l'inefficience économique de la protection légale des salariés. Inefficience qui éclate ici, parce que vous voyez, plus il y a de protection, plus il y a de secteurs informels, plus il y a d'enfants qui sont obligés à travailler, et moins les pauvres ont une part du gâteau. C'est à peu près les trois leçons à tirer de ce tableau. Donc, source de rigidité coûteuse, responsable d'un taux de chômage élevé, d'un recours accru au secteur informel et d'une diminution relative de la part des revenus alloués aux plus pauvres, ce type de droit du travail serait plus généralement un frein à la maximisation de l'utilité sociale que permettrait en revanche de réaliser une dérégulation des marchés du travail. Alors, vous savez la force de cet argumentaire qui a été inlassablement relayé par l'OCDE, le FMI, la Commission européenne. Après l'effondrement des marchés financiers en 2008, on aurait pu s'attendre à ce que l'urgence soit de réglementer les marchés financiers. Mais tout au contraire, le principal enseignement que les organisations économiques internationales ont tiré de cette crise est que les États devaient, de toute urgence, déréglementer les marchés du travail et démanteler l'État social. Je cite ici une autorité incontestable, M. Draghi, nouveau président de la Banque Centrale Européenne et ancien vice-président international de Goldman Sachs, chargé de l'Europe, selon lui, dans une interview qu'il a donnée au Wall Street Journal il y a un an, le modèle social européen est révolu, dit-il, is gone, already gone, et le devoir des États membres est donc de rendre les marchés du travail qui ne le sont pas encore plus flexibles. Vous me direz, ça c'est les propos d'un banquier, ce n'est pas une source juridique. Alors je vous répondrai que avant même que le président de la banque n'émette ses opinions, la Cour de justice européenne avait fait sienne la doctrine de la mise en concurrence des législations européennes. Elle l'a faite à partir de 1999 dans un arrêt qui a consacré le droit pour une entreprise d'éluder les règles de l'État où cette entreprise exerce toutes ses activités en s'immatriculant dans un autre État dont les règles sont moins contraignantes. Alors, l'affaire est simple. Vous voulez opérer dans un État B, mais vous estimez que pour créer une société dans l'État B, ça va vous coûter plus cher que si vous immatriculez la société dans l'État A. Et donc, dans le cas de cet arrêt Santros, qui est un arrêt du 9 mars 1999, donc, l'État qui voyait cette succursale installée, qui avait échappé à ses contraintes de droit commercial, en fait, se plaint, et la Cour lui dit « Non, vous n'avez pas le droit d'interdire, de refuser l'immatriculation d'une succursale d'une société lorsque cette succursale est destinée à permettre à la société en cause d'exercer toutes ses activités sur votre territoire en éludant l'application des règles de constitution des sociétés » de ce territoire qui sont pour elle plus contraignantes, c'est-à-dire la logique même de l'existence de l'Union européenne est de permettre à une entreprise de maximiser ses utilités en jouant sur les différents niveaux de contraintes, et donc il est tout à fait possible de s'immatriculer sous un drapeau pour travailler dans un autre territoire. En fait, pour les juristes, ça n'est pas très nouveau, ça s'appelle les pavillons de complaisance. C'est quelque chose qui est bien connu en droit maritime depuis très longtemps. Et ce à quoi on assiste, c'est à une légalisation sur la terre ferme du recours au pavillon de complaisance. Bon, je pourrais développer assez longuement ça, parce que la distinction entre droit de la terre et droit de la mer a été centrale dans la pensée notamment de Carl Schmitt, qui disait « sur la mer, tous les coups sont permis, mais sur le continent, bon, on se tape sur la figure, mais on finit par tracer des frontières et s'accorder sur des règles ». Ce à quoi on assiste actuellement, c'est une pénétration sur la terre ferme de modes de raisonnement qui était auparavant réservé aux espaces maritimes et qui vont de pair avec l'idée de la recherche de la liquidité. Donc ce n'est pas par hasard que c'est le droit maritime non plus. Il faut que ça soit le moins contraignant et donc le plus liquide possible, à la fois dans le sens juridique et dans le sens économique du terme. Alors, en faisant cela, la Cour, évidemment, met en concurrence les législations des pays membres dans le sens le plus favorable aux investisseurs. C'est une pression exercée sur les États qui font peser des contraintes trop grandes sur l'entreprise. Et cette jurisprudence a été, on le sait, étendue au droit du travail par la Cour à partir de 2008, dans toute une série d'arrêts, dont les plus fameux sont les arrêts Laval et Viking, qui permettent à des entreprises ayant leur siège dans des pays à faible niveau de protection des salariés, d'utiliser à plein cet avantage comparatif lorsqu'elles opèrent dans ceux qui n'ont pas encore obéi à la consigne de flexibilisation de leur marché du travail. Alors, ces arrêts ont été, eux, énormément commentés. J'ai participé au débat très intense qui a eu lieu sur ces arrêts. Je ne reviendrai donc pas ici, parce que la règle au collège, c'est de ne jamais revenir sur le lieu de ces crimes. Donc, je n'y reviens pas, je vous renvoie à tout ce qui a été publié là-dessus, mais je me borne à souligner que les critères de jugement quantitatifs promus par la doctrine Law and Economics ne sont plus aujourd'hui simplement une école de pensée économique, mais c'est le fondement de la clé de voûte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Collège de France et France Culture vous présentent le juriste Alain Supiot, la New Comparative Analysis et le marché du droit. Alors, j'en viens à quelques conclusions à l'issue de ce chapitre sur les formes contemporaines de l'harmonisation par le calcul. À l'issue de ce chapitre, j'espère que vous percevez plus clairement ce qui m'a amené, il y a quelques années, à défendre la valeur heuristique d'un concept inspiré de la constitution chinoise, qui est le concept d'économie communiste de marché. En fait, la constitution chinoise définit le régime actuel comme une économie socialiste de marché, et c'est socialiste au sens du vocabulaire où il y a transition du socialisme vers le communisme. Et il m'avait semblé qu'économie socialiste de marché, on pouvait confondre avec ce qui était à l'époque la doctrine de Mitterrand sur l'économie mixte. Alors, on parle un peu d'autre chose. À l'analyse juridique, en effet, l'ultralibéralisme se présente comme un hybride du communisme et du libéralisme. Je dis à l'analyse juridique. Pour saisir ce processus d'hybridation, il faut bien sûr commencer par prendre la mesure de tout ce qui opposait la planification de type soviétique que j'ai évoquée dans sa dimension normative, de l'univers juridique du libéralisme classique dans lequel nous ne sommes plus. Alors, quelles sont ces différences? Tout le monde les connaît, mais je tiens à les répéter pour n'avoir pas l'impression que je confonds des choses qui sont si différentes. D'une part, la planification soviétique reposait sur l'abolition de la propriété privée des moyens de production et l'instauration d'une propriété socialiste qui pouvait revêtir deux formes selon la Constitution de 1936, soit la propriété d'État, c'est-à-dire à ce moment-là c'est le bien du peuple tout entier, soit la propriété coopérative, kolkhozienne, où c'est chaque kolkhoz qui est propriétaire. Et d'autre part, la planification soviétique engageait la société tout entière dans la réalisation d'objectifs chiffrés, imposés d'en haut par un gouvernement œuvrant de façon dictatoriale. Et là encore, je ne sais pas pour injurier du tout, c'était la dictature du prolétariat. Donc c'est dictatorial au sens juridique constitutionnel du terme. Par comparaison, l'ordre concurrentiel de type libéral repose ou reposait, dirions-nous plutôt, au contraire, sur la privatisation des moyens de production, ça n'a pas beaucoup changé, et engageait tous les individus dans une course à la maximisation de leurs intérêts individuels, dont doit sortir spontanément la plus grande utilité sociale possible. Ça fait une première différence avec un régime de biens collectivisés. Autre différence majeure, en régime libéral, la direction de l'économie échappe à tout contrôle politique ou démocratique, au contraire des gouvernements qui sont exposés à échéance régulière à la sanction électorale. Autrement dit, dans le modèle libéral, le rôle de l'État se borne à garantir la sécurité des calculs économiques qui président au fonctionnement des marchés, en protégeant la propriété privée et en faisant respecter les contrats. Et à cette fonction première, l'État social en avait ajouté une seconde, la prise en charge collective du temps long de la vie humaine et de la succession des générations qui, du coup, ne pesaient plus sur les entreprises. Alors, ces différences entre libéralisme classique et planification de type communiste sont évidemment considérables et il ne s'agit pas d'en négliger l'importance. Au contraire, il faut bien les avoir en tête pour comprendre le processus d'hybridation que j'évoquais à l'instant. En effet, s'en tenir à ces différences, ce serait oublier tout ce que partageaient dès l'origine ces deux types de régimes. Ils sont sortis d'un même creuset occidental et ils sont les héritiers d'une même foi qui continue de nourrir notre imaginaire et qui fait des mathématiques la clé d'intelligibilité et donc de la maîtrise du monde. Les plus grands savants nous le disent jusque dans les kiosques à journaux, le monde est mathématique. Vous pouvez acheter cette série d'ouvrages diffusée par le journal Le Monde sous l'égide d'un collègue titulaire de la médaille Fields. Donc le message c'est le monde est mathématique. Alors oublier cette proximité originelle empêche de comprendre ce qui rapproche ces deux systèmes normatifs depuis l'implosion de l'URSS. Avec d'une part l'adoption de l'économie de marché par des pays communistes, au premier rang desquels la Chine, mais pas seulement, et d'autre part le recul dans les pays occidentaux de l'État social et du libéralisme classique au profit d'une doctrine qui entend faire du droit et de l'État de simples instruments du calcul économique. Ce sont ça les bases de ce, plus qu'un rapprochement, de ce qui me paraît être un processus d'hybridation. Ces deux types de régimes reposaient l'un et l'autre sur la croyance selon laquelle les rapports sociaux sont déterminés en dernière instance par les lois de l'économie et par une même foi dans la possibilité de fonder sur la connaissance de ces lois un ordre politique et social harmonieux. On voit là de lointains échos de ce que nous avons évoqué au début du cours sur l'harmonie par le calcul de Pythagore. Ils sont ainsi l'un et l'autre porteurs d'une promesse messianique qui s'est exprimée dans des termes assez semblables pour que cette similitude soit relevée par les dissidents soviétiques les plus lucides une fois installés en Occident. Vous trouverez des pages assez, comme toujours, drôlatiques sous la plume d'Alexandre Zinoviev, qui, arrivant en d'URSS, il se met à lire la presse occidentale et il se dit « mais c'est comme la Pravda ». Alors, je prends un exemple, bon, je pousse légèrement le bouchon, mais c'est à des fins pédagogiques. Au terme de la constitution de l'URSS, par exemple, de 1936, la planification devait permettre, je cite, « d'augmenter la richesse sociale, d'élever d'une manière continue, donc on est dans un mouvement, hein, le niveau matériel et culturel des travailleurs, d'affermir l'indépendance de l'URSS et de renforcer sa capacité de défense ». Et on pourrait mettre en regard de ce texte celui de la stratégie de Lisbonne adoptée par l'Union européenne en 2000, qui promettait de faire advenir, je cite, « l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici à 2010, capable d'une croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale ». Derrière ce genre de proclamation ronflante se retrouve en réalité une même philosophie de l'histoire que celle de l'épopée communiste, c'est-à-dire une marche inexorable vers un avenir radieux dont le grand Karl Löwith a retracé la généalogie dans l'ouvrage dont je vous donne ici la référence. Le second point de ressemblance entre ces régimes est une conséquence directe de cette foi dans une harmonie fondée sur le calcul. Il s'agit de la primauté accordée à l'ordre économique sur l'ordre juridique. Nous avons vu la conception instrumentale du « rule by laws » qui avait conduit les régimes communistes à répudier l'idée du « rule of law ». Lénine rêvait à haute voix des temps très heureux où le pouvoir des hommes politiques et des administrateurs céderait le pas à celui des ingénieurs et des agronomes, c'est-à-dire à un ordre fondé sur la science et la technique et non plus sur la loi. Donc il dit, nous sommes au départ d'une époque très heureuse où l'on pratiquera de moins en moins de politique, où l'on en parlera moins souvent et moins longuement, et où ce sont les ingénieurs et les agronomes qui auront la parole. Cette vision d'un monde purgé du politique au profit de la technique était déjà celle des Saint-Simoniens et de leur projet célèbre de remplacer le gouvernement des hommes par l'administration des choses. Je vous renvoie sur ce point au travail considérable de Pierre Musso sur la pensée de Saint-Simon, notamment un de ses livres qui s'appelle « La religion industrielle ». Dans cette perspective, le propre de l'ultralibéralisme et ce qui le distingue radicalement du libéralisme à l'ancienne consiste à envisager la loi et le droit non plus comme des cadres stables de la vie en société, mais comme des produits en compétition sur un marché concurrentiel. J'ai dit « produits en compétition ». Ce sont en premier lieu des produits, si bien que leur élaboration relève d'un savoir technique et non pas politique. C'est ce qui autorise, par exemple, le directeur de la Banque européenne, dont je viens de citer les propos, à s'exprimer sur la réforme du droit du travail des États membres. Dans un entretien qu'il avait accordé à la fin de son mandat, le précédent directeur de la Banque, M. Trichet, après avoir longuement détaillé les réformes, selon lui, urgentes de privatisation des services publics et de déréglementation des marchés du travail, dans cette interview publiée dans Le Monde diplomatique de février 2012, il insistait sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un programme politique, mais de mesures techniques, correspondant à l'intérêt supérieur, disait-il, de 17 gouvernements des 332 millions de citoyens de toute sensibilité dont il estimait avoir la charge. Donc vous avez un déplacement sur ce qui légitime la règle. Ce n'est plus une légitimation politique par le débat politique. C'est quelque chose que nous avons déjà rencontré aussi dans des déclarations de M. Barroso que j'avais cité à propos des élections italiennes, où il dit « nous ne devons pas nous laisser détourner de notre politique économique par les résultats des élections ». Donc ça fait une très grande différence avec le régime du libéralisme classique. Et j'ai dit « ce sont des produits, mais des produits soumis à une concurrence mondiale ». Concurrence sur ce marché des normes qui sélectionne les plus aptes à répondre aux besoins de l'économie. Mais vous voyez, c'est ce qu'on appelle techniquement en droit international le « low shopping », c'est-à-dire la possibilité de permettre à des opérateurs économiques de faire leur shopping, leur marché sur un marché international des normes et de se placer sous celle qui leur est la plus avantageuse. Mais dès lors que le « low shopping » tend à occuper la place du « rule of law », je ne pense pas qu'on puisse avoir les deux en même temps. Et on ne peut pas avoir une société où il y a le règne de la loi et du droit et une société où, dans le même temps, la loi et le droit sont considérés comme des produits en compétition. Eh bien, le law shopping tend dès lors à occuper la place de rule of law, et notamment dans ces domaines clés pour l'État social que sont le droit du travail, le droit fiscal et le droit de la sécurité sociale. Dès lors qu'on envisage ainsi les lois comme des produits législatifs en compétition sur un marché international des normes, la loi ne peut plus remplir sa fonction isonomique de... Le mot est un peu, peut-être, difficile, mais on l'a vu là, on a commencé avec la Grèce, vous savez, cette découverte de la loi par les Grecs qui disent « on ne va plus dépendre d'un homme, nous allons tous être à égalité par une référence commune à quelque chose qui va être la loi commune ». C'est ça la fonction isonomique, ça nous met à égalité. Si c'est un produit sur un marché, ça ne peut plus remplir cette fonction. Et on se trouve dès lors confronté à une question qui s'était déjà posée dans les régimes communistes, une fois qu'ils eurent rompu avec ce que les juristes marxistes appelaient le fétichisme de la forme juridique, au profit d'une conception purement instrumentale du droit. Une fois qu'ils ont accompli ce pas, la question qui s'est posée, c'est de savoir qu'est-ce qui va désormais tenir lieu de référence commune. Si la loi n'est qu'un instrument, qu'est-ce qui peut être la référence commune pour harmoniser l'action des hommes, définir la place de chacun et juger de leurs actes ? Alors, nous avons vu que la réponse apportée à cette question par la planification soviétique était la suivante. Toute la société s'y trouve enrôlée dans la réalisation d'objectifs chiffrés qui sont relayés par des directives administratives, elles-mêmes complétées par des contrats planifiés que j'ai évoqués dans les cours précédents. Et c'est donc par référence à ces chiffres de contrôle qui sont définis au niveau central et déclinés jusqu'au niveau individuel, dans une cascade de normes, qu'il était possible d'assigner à chacun une tâche et de juger la manière dont il s'en acquittait. Autrement dit, la planification soviétique a représenté une première tentative d'instaurer ce que, dans un contexte assez différent, René Guénon a appelé le règne de la quantité. Alors, une telle question ne se posait pas au libéralisme classique, qui continuait de faire reposer l'ordre contractuel sur la souveraineté du droit. La société libérale demeurait régie par le droit et non par l'économie. Mais l'ultralibéralisme, en revanche, ne peut y échapper dès lors qu'il entend faire advenir, nous avons vu, une société régie par l'économie. Les calculs d'intérêt individuel ne peuvent plus dès lors être référés à la valeur incalculable d'un impératif catégorique de type juridique. Alors, nous l'avons vu au sujet du principe de dignité, comment du coup la dignité, on la respecte dans la mesure après calcul, pour voir si ça vaut le coup, quoi, si les enjeux sont assez importants, dit Posner. Mais c'est aussi vrai de la valeur de la parole donnée, que l'analyse économique du droit cherche à peser à l'aune du bilan coût-avantage. C'est l'objet de la théorie dite de l'efficient breach of contract, selon laquelle l'on devrait autoriser un contractant à ne pas tenir sa parole dès lors qu'il s'avère pour lui plus avantageux d'indemniser son co-contractant plutôt que d'exécuter le contrat. C'est ce qu'on a traduit en français comme théorie de l'inexécution efficace du contrat. Et on en attribue... ça a été développé par Posner, ça ne vous surprendra pas, c'est lui le père de cette théorie. Et il en attribue la vraie paternité à un juge très fameux chez les Américains, qui est le juge Holmes, qui avait écrit en 1897 que la seule conséquence universelle d'un engagement juridique, c'est d'obliger le promettant à payer des dommages-intérêts en cas de non-réalisation de sa promesse, et qu'en toute hypothèse, cela le laissait libre de toute contrainte jusqu'à la date de la réalisation de celle-ci, et donc libre de rompre le contrat s'il le décide. J'entre pas là sur le point de savoir si on n'a pas surinterprété ce que voulait dire Holmes dans un contexte précis. Mais cette théorie de l'efficient breach, selon cette théorie, le critère de jugement du comportement du contractant ne doit donc pas être recherché dans l'obligation de tenir parole, mais dans le calcul de la plus grande utilité sociale. Je vais prendre un exemple, parce que ça peut peut-être paraître abstrait. Si je vous ai promis de vous vendre un médicament, de vous livrer des médicaments pour un prix de 1000 euros, dans 8 jours et que votre voisine me propose 10 000 euros, à ce moment-là, je ne vais pas respecter ma parole, je vais devoir indemniser, peut-être je devrais vous payer 1000 ou peut-être 2000 au pire, je vends pour 10 000, bénéfice 8 000, et du point de vue de l'efficience économique, on dit si quelqu'un était prêt à payer 10 000, c'est qu'il en avait plus besoin, c'est-à-dire c'est l'allocation efficace de la ressource. La ressource est allée finalement là où elle devait aller. Donc c'est ça la clé de justification de cette théorie. Mais en remplaçant ainsi la règle pacta sunt servanda par celle de la maximisation des utilités des parties, le rêve c'est de parvenir à nettoyer, si je peux dire, l'ordre contractuel de toute trace d'hétéronomie et de la boucler sur l'univers du calcul. Il n'y a plus besoin de se référer à cette règle hétéronome qui est « je dois respecter ma parole ». Ça, c'est typiquement l'impératif catégorique hétéronome. On essaie d'évacuer cela pour rester dans un univers entièrement calculable. Alors, reprise par de nombreux auteurs, cette théorie est aujourd'hui largement appliquée en droit américain et est défendue en France par quelques auteurs. Le raisonnement, en réalité, est de même nature que celui que nous avons observé dans le cas de la responsabilité délictuelle avec la Hahn formula, qui, elle aussi, consiste à faire d'un calcul d'utilité sociale le critère de jugement des comportements individuels indépendamment de toute référence à des interdits de principe. Mais c'était dans le domaine du droit de la responsabilité. Ici, nous sommes dans le domaine du droit des contrats. Et c'est cet effacement de toute hétéronomie qui caractérise la notion de gouvernance par opposition à celle de gouvernement. Il fallait bien que j'y vienne, en approchant de la fin du cours, à cette distinction entre gouvernement et gouvernance. Le passage de l'un à l'autre, comme celui du reste de la réglementation à la régulation, intraduisible en anglais cette fois-ci, de la morale à l'éthique, ou de la règle à la norme, signifie dans tous les cas la suppression de l'écart entre l'être et le devoir-être. Dans la règle, elle est extérieure à moi, je vais pouvoir la violer éventuellement, à mes risques et périls. Mais... Alors que la norme, ça va définir mon principe, ça se confond avec mon identité, mon propre principe de fonctionnement. Cet écart était encore présent dans la planification communiste, qui se présentait comme un gouvernement par les normes. Ce qu'on a vu, c'était imposé d'en haut par des instances extérieures. Et les dirigeants soviétiques se considéraient d'ailleurs, on l'a vu, comme des ingénieurs, les ingénieurs d'une société nouvelle dont la construction dépendait de l'engagement de la classe ouvrière œuvrant sous leurs ordres. Et la construction du socialisme requérait une obéissance sans faille et un contrôle permanent par les dirigeants du parti, comparable à la direction du travail dans une entreprise taylorienne. J'ai employé le mot « construction ». Alors, retenez au passage ce mot. Enfin, retenez ou retenez pas, ça m'est un peu égal. Mais enfin, c'est un mot qui donne à penser pourquoi. C'est un mot que les soviétiques ont toujours préféré à la notion de régime. Ils ne se définissaient pas comme un régime juridique ou un régime politique, mais comme construction du socialisme. Et il a toujours été donc préféré au mot de régime pour désigner leur système politique. Et comme le montre l'art soviétique, la construction implique une marche en avant, une dynamique. Les juristes, alors vous avez là une très belle statue en acier de 80 tonnes, donc qui avait été exposée à l'exposition universelle de 1937, l'ouvrier et la Koskosienne, où vous avez cette représentation, cette symbolisation, et bon, depuis le début de l'année, vous avez remarqué, je fais des va-et-vient entre règles juridiques, imaginaires collectifs, se donnant à voir notamment dans des œuvres d'art. Et vous allez voir que ça correspond tout à fait à ce que les juristes soviétiques disaient lorsqu'ils voulaient définir la légalité socialiste. La légalité socialiste, disaient-ils, n'est pas un cadre assuré de la vie en société, mais c'est une méthode. C'est la méthode pour rendre effective la dictature du prolétariat et la construction du socialisme. Elle est toujours le moyen d'action de l'État socialiste et ne peut devenir un obstacle à la réalisation de ces tâches historiques. Donc là, on a une représentation de la légalité comme pur moyen, pur instrument. Et instrument de quoi ? Instrument d'une construction, d'un mouvement. Et la notion de construction marque ainsi à la fois un processus, l'extension d'un système dont les limites sont encore mouvantes, et la nature technique d'une normativité qui est indexée sur l'efficacité et non pas sur le respect de la loi. Ce sont les deux aspects de la construction. C'est un processus et c'est de nature technique. Une telle notion rompt, évidemment, avec les idéaux de stabilité, de l'ordre juridique, tels qu'ils se donnaient à voir dans les représentations classiques de la justice. Elle ne court pas le sabre en avant, elle se tient là avec l'étape de la loi. Alors, comme vous le savez, et là encore, ce n'est pas à des fins aucunement polémique, c'est de l'observation du vocabulaire. Ce même terme a été et demeure employé pour désigner la nature particulière des institutions européennes. On parle de construction européenne, et la construction européenne se présente elle aussi comme une dynamique institutionnelle indexée sur un projet économique. Cette référence à la construction est visible sur tous les billets en euros qui représente, on avait vu longuement un dollar, vous vous souvenez des dollars. Alors c'est très intéressant de comparer l'imaginaire qui se donne à voir à la fondation des États-Unis et puis l'Union européenne, ou au moins la zone euro, puisque la monnaie symbolisait justement un saut qualitatif dans l'intégration européenne. Et c'est, est-ce que, je ne sais pas si vous avez souvent regardé vos billets d'un euro pour voir ce qu'ils représentaient, mais ce qu'ils représentent, c'est des portes qui sont des symboles d'ouverture et des ponts qui sont des symboles d'union. Ce sont des portes et des ponts imaginaires. On a pris grand soin de ne représenter aucune porte ou aucun pont existant sur aucun des territoires des États membres. Mais ces représentations vont selon une progression historique qui va de pair avec la valeur des billets. Donc le style romain, c'est les billets de 5 euros, jusqu'au style contemporain, ça c'est les billets de 500, ça c'est plutôt pour la mafia, en passant par le Moyen-Âge, la Renaissance, l'architecture industrielle. La construction européenne, donc ce sont des bâtiments et un progrès dans les techniques de construction, qui s'inscrit ainsi dans l'imaginaire historique d'un progrès technique, mais d'un progrès qui, à la différence de la société d'abondance promise par le communisme, ne semble pas avoir d'autre fin que lui-même. Parce que il y avait une parousie, si je puis dire, du communisme, c'était la société d'abondance. On allait souffrir, Stakhanov allait travailler comme un bœuf, mais on aboutirait, au bout de quelques générations, à une société d'abondance. Là, cette promesse n'existe pas. C'est-à-dire, ce mouvement ne promet que de perdurer lui-même. Il est à lui-même son propre principe. Alors, ainsi conçu comme outil de construction du communisme, la planification soviétique se situait à mi-chemin du gouvernement par les lois et de la gouvernance par les nombres. Les directives du plan tiraient déjà leur légitimité d'un calcul et non de la souveraineté du droit. Mais elles le faisaient à la manière des lois et règlements, car elles s'adressaient encore aux citoyens de l'extérieur. En revanche, la gouvernance par les nombres va plus loin dans la destitution du gouvernement par les lois. Comme la planification, la gouvernance substitue le calcul à la loi comme fondement de la légitimité de la norme, mais cette norme est censée opérer de l'intérieur. Nous avons vu que c'est chaque sujet qui, en permanence, calcule ce qui va être le plus avantageux pour lui. Et donc, elle opère de l'intérieur à la manière de la norme biologique ou du logiciel d'un ordinateur, par le simple jeu du calcul d'utilité individuelle. Et la notion, d'ailleurs j'y reviendrai plus loin, parce que c'est lié à la notion de programme, qui elle aussi a inspiré les représentations du programme génétique, et dont l'origine est clairement là, l'informatique. À la différence du gouvernement, donc, qui opère en surplomb des gouvernés, et subordonne la liberté individuelle au respect de certaines limites, la gouvernance part de cette liberté, qu'elle ne cherche pas à limiter, mais à programmer. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Alain Supiot, la New Comparative Analysis et le marché du droit, le 18 avril 2013. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion. Alain Supiot a publié sa leçon inaugurale « Grandeur et misère de l'État social » chez Fayard en 2013. Son cours sur la gouvernance des nombres a été publié chez le même éditeur en 2015. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, la dynamique juridique de la gouvernance par les nombres. Belle journée à l'écoute de France Culture.